vrai, sous la neige, mon cœur glacé ne battra plus. Dis-la, je t'aime, c'est peu probable, je crois. Mais pourquoi il neige quand je pense à toi? Un jour je vivrai sur les nuages, mon cœur là-haut ne verra plus que de l'azur étincelant, tes beaux yeux noirs fixant l'ennui auront disparu. Un jour je vivrai sous la mer, mon cœur noyé ne pleurera plus, ce chagrin qui me serre la poitrine quand j'espère, en guettant fébrilement que tu m'écrives. Un jour je vivrai sur la lune, mon cœur léger, enivré d'espace, se consolera de comètes et d'étoiles. Peut-être que dans l'opéra silencieux du vide sidéral, dis-la, je t'oublierai. Si un jour je vivais à tes côtés, mon cœur frapperait avec violence, s'enorgueillissant chaque jour de ses regards jaloux qu'il batte si fort et si près de toi.